Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le complexe d'arboriculture fruitière de Gosan. Il a été accompagné du sous-maréchal de l'Armée Populaire de Corée, Fang Byung-sung, chef de la Direction Politique Générale de l'Armée Populaire de Corée, et du colonel général des Forces Terrestres, So Hong-chan, premier vice-ministre des Forces Armées Populaires. Le commandant suprême Kim Jong-un a apprécié les grands efforts du personnel du complexe déployé pendant toute l'année pour les prodiges et sorts sans précédent, quand les cadres ont dit qu'ils l'avaient attendu tous les jours depuis l'épanouissement des fleurs des pommiers jusqu'à aujourd'hui à l'abondance des fruits. Il a fait le tour de la salle d'éducation aux faits révolutionnaires nouvellement aménagée pour transmettre à jamais les espoirs de direction des grands hommes Paektusan emprunts au complexe. En regardant avec attention les précieuses données historiques, il a dit que le verger fondé grâce au grand dessein du président Kim Il-sung est transformé en base de production fruitière synthétique grâce au général Kim Jong-il et d'ajouter. Les fières réalisations du complexe sont impensables sans le dévouement et les efforts des grands leaders qui ont éclairé clairement la perspective du verger. Nous devons jamais oublier comment a commencé l'histoire de l'abondance des fruits au pied du Kolchol. Les cadres et autres travailleurs du complexe doivent s'efforcer dynamiquement pour augmenter chaque année la production des fruits, afin que le verger au pied du Kolchol aménagé sous la direction du parti produise de siècle en siècle une grande quantité de fruits, émane le parfum de pommes et faire honneur aux exploits de direction des grands leaders qui s'étaient forcés entièrement pour fournir beaucoup plus de fruits à la population. Le commandant suprême a admiré du haut du belvédère où le général Kim Jong-il était monté le panorama du complexe d'arboriculture fruitière de Gosan étendu à perte de vue et fait le tour des champs fruitiers. Il a dit que chaque branche est lourdement chargée de beaux fruits, que les pommes semblent être peintes en rouge et que le pied du Kolchol est embrasé partout. Et d'indiquer. Le paysage de Gosan est toujours aimable et donne de plus en plus la joie. Je me sens régalé rien qu'à voir les pommes. Un tel paysage est sans doute introuvable ailleurs dans le monde. C'est formidable que le complexe d'arboriculture fruitière de Gosan récolte plus de 50 tonnes de pommes par hectare cette année dans les champs des dizaines d'hectares. Les pommiers portent vraiment beaucoup de fruits. Diverses espèces de pommes de Gosan ont toutes les belles couleurs et le goût sucré. La population serait heureuse de goûter les pommes de cette année. En regardant les nouveaux dépôts de fruits, le camarade Kim Jong-un a dit que les cadres et membres de la troupe de choc de construction 618 ont impeccablement construit de modernes dépôts à capacité de plusieurs milliers de tonnes avant d'apprécier vivement leurs efforts pour avoir contribué remarquablement à transformer le complexe d'arboriculture fruitière de Gosan en verger fleurissant d'ordre mondial en suivant les recommandations du général Kim Jong-il et la volonté du parti. En regardant les matériels roulants, chariots élévateurs et autres dons du parti, il a promis d'envoyer au verger plus de machines modernes pour l'arboriculture, y compris le pulvérisateur à moteur. Il a appelé le verger à mener plus dynamiquement la lutte pour augmenter la production sur la base des réalisations de cette année et indiqué les tâches à accomplir par le complexe d'arboriculture fruitière de Gosan. Se mettre à la tête du pays pour l'arboriculture fruitière scientifique, régler complètement le problème d'habitation du personnel, aménager dans chaque annexe la salle de vulgarisation scientifique et technique et construire davantage de centres d'élevage porcin pour établir le système de production circulaire à maillons entre l'arboriculture et l'élevage, perfectionner le système d'irrigation goutte à goutte, construire une moyenne centrale hydroélectrique pour régler le problème de l'électricité et construire une moderne usine de transformation des fruits. Et de continuer. La visite au complexe d'arboriculture fruitière de Gosan me fait beaucoup de plaisir et je n'ai pas envie de le quitter. Les pommes qui font fléchir les branches et le parfum sont le précieux résultat de la fidélité envers le parti et du patriotisme ardent du personnel du complexe qui se dévoue entièrement pour chaque arbre fruitier avec la fierté et la dignité de travailler à l'endroit emprunt des espoirs de direction immortelle des grands leaders. Les cadres et autres membres du personnel du verger ont bien compris la volonté du parti décidé à fournir beaucoup de fruits à la population et mis en valeur l'esprit d'application à tout prix afin de réaliser l'abondance de fruits sans précédent à Kosan. Kosan est l'unité modèle et exemplaire qui a montré par la pratique comment appliquer la politique du parti. Je lui donne les remerciements spéciaux au nom du comité central du parti. La nouvelle de l'abondance au complexe d'arboriculture fruitière de Kosan va inspirer de la force et du courage immense à nos militaires et civils qui créent le nouveau miracle de transformation du malheur au bien au champ de relèvement des régions sinistrées au nord par la grande puissance de l'unité monolithique. Et cette idée me fait infiniment du plaisir. Le commandant suprême Kim Jong-un a exprimé l'attente et la conviction que le complexe d'arboriculture fruitière de Kosan se transformera mieux en verger modèle conforme au niveau de la puissance civilisée socialiste et en fierté inventée dans le monde à l'aide de la coopération militaro-civile afin d'opérer de nouveaux essors chaque année dans la production des fruits.